La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quand il y a matière à dire. Comment raconter la matière? Comment la dire? Avec seulement des équations? Ou plutôt avec des mots? Il y a débat. Il y a même des hauts et des bas. Certains scientifiques considèrent le passage au langage courant comme une concession dangereuse à un désir de communication. Il faut leur reconnaître quelques arguments. Par exemple, quand ils s'intéressent à la science, le langage littéraire exploite le fait qu'il est plus facile de dire une belle chose que de dire une chose précise. Du coup, les choses précises sont en général mal dites. Paul Valéry avait d'ailleurs noté que penser trop exactement mène à mal écrire, ce qui peut-être explique pourquoi les grâces de la belle langue s'enfuient comme autant de lapins devant les trous noirs, l'antimatière ou les impulsions laser ultra-courtes qui viennent d'avoir le prix Nobel de physique. Car le véritable langage de la physique, il est vrai, ce sont les mathématiques, du moins une partie des mathématiques, et non pas les mots ordinaires. Reste qu'en attendant l'apothéose du muet promise par les puristes, les sciences, y compris les plus formelles, ne peuvent se passer du langage. La physique, par exemple, n'a rien d'une activité d'aphasique. C'est même une incessante causerie. Songez aux particules élémentaires. Étant invisibles, elles ne sont jamais vraiment là, bien en évidence devant nous, de sorte que nous n'avons pas d'autre choix que de les invoquer par le verbe. Fermion, boson, lepton, quark, neutrino, électron, muon, etc. En ce sens, la physique demeure un drame parlé. Pour reprendre une expression de Valère Novarina, cet écrivain qu'il faudrait que nous invitions un jour à la conversation scientifique. Mais comment bien parler de la matière? Les particules quantiques ne sont pas montrables et elles n'ont aucune des propriétés que les choses ordinaires possèdent à notre échelle. Elles ne sont pas bien localisées dans l'espace, ni ne sont impénétrables, et elles n'ont pas de trajectoire bien définie. On pourrait donc dire qu'à toute petite échelle, la matière se déchosifie. Elle disparaît même d'une certaine façon, comme si le sort de toute représentation de la matière était de laisser la matière elle-même à la traîne. Plus la représentation se précise, plus l'idée même de matière se perd en cours de route. D'où la question. En irait-il de la matière en physique comme de la loi dans le procès de Kafka? Toutes deux sont données comme très proches, mais aussi toujours remises à plus tard. Souvenez-vous de l'homme du procès qui attend d'avoir accès à la loi avec un grand L. Une sentinelle se tient postée devant la loi. Un homme vient un jour la trouver et lui demande la permission de pénétrer. Mais la sentinelle lui dit qu'elle ne peut pas le laisser entrer en ce moment. L'homme réfléchit et demande alors s'il pourra entrer plus tard. « C'est possible, dit la sentinelle, mais pas maintenant. » La sentinelle lui donne un escabeau et le fait asseoir à côté de la porte. Il reste là de longues années. Fin de citation. On connaît la suite. L'homme qui a vieilli et va mourir demande comme seule grâce à la sentinelle de répondre au moins à cette question. Comment se fait-il qu'il soit le seul à attendre ainsi devant cette porte de la loi? Parce que cette porte n'était là que pour toi, lui répond la sentinelle. Maintenant, je m'en vais et je ferme la porte. L'homme, qui a attendu en vain, finit donc par mourir sans savoir. Sommes-nous dans une situation analogue à la sienne? Si oui, qu'est-ce qui fait office de sentinelle pour nous autres qui aimerions savoir ce qu'est vraiment la matière? Est-ce la finitude de notre intelligence? La trop grande subtilité de mathématiques qui nous échappe, la complexité irréductible du réel, ou bien le bornage de nos paroles trop humaines. Valère Novarina, cet homme de théâtre, cet écrivain, dont je viens de dire que j'aimerais bien l'inviter, a une façon toute personnelle d'exprimer cela. Il dit « la matière est en attendant ». En somme, la matière serait comme cet homme devant la porte qui attend d'avoir accès à la loi. La vérité, c'est que j'ai invité Valère Novarina. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit oui. Il est là devant moi. Bonjour Valère Novarina. Bonjour. Alors je ne sais pas comment vous présenter. J'ai dit que vous étiez écrivain. Vous vous définissez vous-même comme écrivain pratiquant. Ça veut dire quoi? Oui, pratiquant. Ça veut dire écrivain travaillant avec les mains aussi. Vous êtes peintre? Écrivant avec les mains, écrivain peignant, dessinant et aussi travaillant avec les acteurs, c'est-à-dire les écoutant de près. Et puis aussi, ça veut dire, pratiquant, ça veut dire, ça signale au passage que je ne suis pas un abstinent spirituel. J'ai vu quelques-unes de vos pièces, même, je crois, presque toutes, et il va de soi que vous êtes obsédé par la langue. D'où est-ce que ça vous obsédé. Vient Ça me fait penser, je pensais en venant ici à une petite anecdote que vous connaissez certainement. C'est Paul Valéry que vous avez cité, et Einstein, dans un parc, dans une université aux États-Unis ou en Angleterre. Et au bout d'un moment, Paul Valéry, sans arrêt, sort son crayon, note des choses et remet son calepin dans la poche. Et il dit à Einstein, excusez-moi, je pense à 1000 choses à la fois, je suis obligé de noter sans arrêt. Et Einstein lui répond, eh bien moi je pense à une seule chose tout le temps. Une idée, c'est si rare. Il a dit une idée, c'est si rare. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Moi j'aimais beaucoup. Ça m'avait frappé, c'était une période, je ne suis pas helléniste, mais je pensais au mot logos tous les jours, tout le temps, sans arrêt. Est-ce que vous êtes bavard à l'oral, dans la vie? Pas trop, non, ça dépend des circonstances. J'aime parce aussi, que dans vos pièces de théâtre, dans vos livres, il y a beaucoup de mots. Beaucoup de mots, mais aussi j'aimais à la campagne, cette possibilité qu'il y avait autrefois de rencontrer les gens, d'aller les voir sans leur parler. Et j'ai retrouvé ça avec Roger Blin, j'allais souvent chez Roger Blin, on allumait une pipe en terre au coin du feu, et on ne se parlait pas. Je lui rendais visite pendant un quart d'heure, une demi-heure, et je partais, on était très contents, on s'était vus. Voilà, il n'y a pas que l'échange parlé. Alors, il y a quelques années, il y a 3 ans, je crois, vous avez publié un livre intitulé « Observer les logaèdres », que j'avais beaucoup apprécié, puisque vous définissez les logaèdres, ce sont des mots, mais des mots qui ne sont pas des mots domestiqués, qui sont pas des mots au repos, comme sont les mots des dictionnaires, ce sont plutôt des mots volants, des sortes d'oiseaux mathématiques qui sont à la fois de la famille du gypaète et proches du logarithme. Alors ça veut rien dire, mais je cite simplement cet exemple pour signifier que la grande question qui vous intéresse, c'est, me semble-t-il, d'où vient que notre viande s'exprime. Et dans une autre pièce qui s'appelle Le vrai sang, vous avez procédé à l'opération contraire, c'est-à-dire vous avez fait parler des machines parlantes, c'est-à-dire des êtres sans chair. Et je résiste pas au plaisir de citer 2 de ces machines. La première, c'est la machine à dire la suite. Je cite, c'est un communiqué. Le ministre de la Communication préconise dans son blog, lu dans mon café au lait, la réunion d'un Grenelle de l'environnement culturel, regroupant tous les créateurs de la création autour d'une motion visant au garantissement de la fournitivité de la culturitude pour chacun. Une Rolex sera offerte à la sortie à tous les acteurs sociaux ayant remis leur cadran solaire au contrôle. Alors, il y a aussi la machine à espérer la même chose, qui dit « La France osera-t-elle menacer ses voisins de se retirer de l'Hexagone ?» se demande ce matin dans Pensée Magazine le philosophe Régis Galibert. Ça vous vient comment ces phrases ? Avec du paradoxe que tout le monde vit, que le langage à la fois emprisonne et délivre. Il y a un langage qui nous emprisonne, qui nous quadrille, qui nous empêche de tout, et il y a une parole délivrante, voilà. Donc dans la plupart des spectacles ou des livres, il y a une sorte de parodie de la langue automatique, parce que le langage devient très très automatique. Dans mon ordinateur, j'ai une sorte de dossier qui s'appelle l'enfer de la communication. L'enfer de la communication mécanique et de la mécanisation de tout, et qui crée un tissu, un filet qui se resserre. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce dossier ? Tous les petits textes qui annoncent les spectacles, les commentaires, voilà, beaucoup d'entretiens. Mais vous êtes en quelle situation psychologique lorsque vous écrivez ces déclamations de la machine parlante que j'ai citée ? Quand vous écrivez « Dans le Sud-Poitou, un enfant de 8 ans vient de fonder en se séparant de lui-même » la première famille mono-infantile reconnue dans l'Hexagone. Mais ce sont des endroits comme ça où ça a l'air de sortir tout seul, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'agencement, d'idées toutes faites, et aussi de jouer avec le creux de la langue, le creusement par la langue, parce qu'il me semble que le langage creuse. Et c'est vrai que vous avez parlé de la matière. Comme un boulanger à la longue finirait par penser que tout est en pain, à force d'être dans les livres, je finis parfois par penser que tout est langage aussi, et que le drame du langage est très proche du drame de la matière. Voilà. C'est-à-dire que le langage est avant les choses ? Oui, que le langage est avant les choses. Oui, oui, oui, évidemment. Alors il y a une machine, je ne sais plus si c'est celle à dire la suite ou à espérer la même chose, qui dit « Le Haut Observatoire du Commissariat au Langage Équitable, 6 à Romans le Vétuste, stipule et recommande que soit préconisé d'établir à partir de demain matin, entre les choses et le langage, un pacte de réalité. Voilà. C'est parce que le langage pourrait dire le monde, dire le réel. Mais non, c'est très important. Vous avez cité une très jolie phrase de Valéry tout à l'heure, qui m'a fait penser à une phrase du Cocteau qui dit la véritable beauté boite. Il doit y avoir dans le langage aussi l'échec de langage, le trébuchement, la chute, la non maîtrise, pour que ça tienne debout. Je sais pas, il y a une sorte de aussi. Alors, il faut aussi qu'une marche manque. Ça me fait penser à ce que vous dites là. Ça me fait penser à une phrase de Wittgenstein dans le Tractatus. Il dit ce qui s'exprime dans le langage, nous ne pouvons pas l'exprimer par le langage. Ça rejoint ça? Alors je sais pas, mais c'est vrai que la dernière phrase du Tractatus, qui est, je crois, ce dont on ne peut parler, il faut le taire, je l'ai renversée en ce dont on ne peut parler, c'est cela qu'il faut dire. Et c'est quoi ce dont on ne peut pas parler? Il y a un rapport entre, comment dire, entre le plein, une dialectique du plein et du vide, de la possession et de la dépossession dans le langage lui-même. Il faut pas, il faut accepter la chute, le trébuchement. On remarque ça au théâtre si l'acteur tout d'un coup est trop maître de ce qu'il fait, s'il bride son cheval, s'il n'est pas dans le fond passif et abandonné au texte, ce qui ne veut pas dire de l'abandonner, ce veut pas dire qu'il travaille pas. Quelque chose ne passe plus. Le langage, il y a une énergie qui se transmet au spectateur par un état très particulier de possession, non possession, de savoir, non savoir, etc. Donc on rôde beaucoup autour de toutes ces choses en travaillant avec les acteurs. Et que acteur est un très mauvais mot pour désigner le travail des acteurs parce qu'ils sont profondément passifs, dans le fond. Il faut qu'ils soient agis par le texte. Alors, je vais assister à vos spectacles. J'ai remarqué qu'en sortant, les gens parlent beaucoup. Est-ce que le fait d'entendre beaucoup de mots, comme c'est le cas dans vos écrits, dits par les acteurs, donne envie de parler? Mais je sais pas, c'est vrai qu'il y a une espèce de bombardement linguistique, de saturation des zones de Broca, qui doit faire quelque chose. Et souvent, réfléchissant pas tellement à ce que je disais, j'ai dit aux acteurs, si tout va bien, en sortant du théâtre, il y a des gens qui vont se faire écraser, parce qu'ils font pas attention en traversant la rue, etc. Si tout va bien. Ils auront un accident avec l'espace. Il s'agit de déstabiliser les spectateurs, de leur enlever le sol sur lequel ils reposent, et notre sol, c'est quand même le langage. Vous publiez un livre qui s'appelle L'homme hors de lui, chez Paul, chez POL plutôt, et il y a des phrases dans ce livre qui me semblent être en contradiction les unes avec les autres, ce qui ne devrait pas vous inquiéter, même peut-être vous rassurer. Non, pas du tout. Vous citez Antonin Artaud, qui dit « Tout vrai langage est incompréhensible ». Et puis juste après, vous citez saint Paul. Rien n'est sans langage. Voilà. Alors, que ça veut dire? Rien n'est sans langage. Ça veut dire que l'énergie est dans le paradoxe. L'énergie est dans le renversement, ce que j'ai appelé, dans le fond, le niement. Qui est pas la négation, mais le niement, c'est quelque chose de dialectique. C'est retrouver la vie par le passage par la mort. Il faut passer par la mort du langage pour en ressurgir vivant. Dans niement, on entend aussi le verbe nier et le verbe mentir. Ah, j'ai pas du tout entendu mentir. J'entendais une action dans le fond de renaissance. Mais alors, celui qui vous inspire sans doute le plus, c'est saint Augustin. Les paroles s'entendent, mais la pensée se voit. Ah oui, ça c'est tout à fait extraordinaire. Ça c'est dans un livre, malheureusement, peut-être pas tellement lu, qui est le De Trinitate de saint Augustin. Quand j'ai lu cette phrase, c'est tout à fait extraordinaire. Qui ne peut pas reconnaître cette vérité que la pensée est une figure dans l'espace, comme une figure, comme un numéro d'équilibriste, comme une figure est une chute et une c'est quelque chose qui arrive à l'espace, et il me semble, je sais pas comment dire ça, mais que il y a pas de lieu du langage, il y a pas de lieu où le langage affronterait le langage, de lieu abstrait. Le langage a lieu dans ce studio où on est, sur la page du livre, sur la page de la scène. Il est toujours dans le fond avec un corps. Il est incarné, et les mots sont aussi des animaux. Et un dialogue entre nous, c'est pas quelqu'un qui énonce des choses qu'il penserait, c'est une sculpture de logaèdre qui se constitue peu à peu entre nous deux. C'est une sculpture à deux, devant nous et hors de nous. Alors, dans ce même texte, Niement, écrit donc N-I-E-M-E-N-T, vous dites, j'ai toujours considéré la linguistique comme une branche de la physique des fluides. Oui, c'est vrai. J'ai toujours pensé ça. Oui, que c'était que ce soit vrai. Non, mais c'est que ça veut dire. Il faut reprendre conscience que le langage est quand même une onde. On était dans un café tout à l'heure qui s'appelait Les Ondes, ça tombe bien, et la maison de la radio. Le sentiment touché que la perception que la réalité est ondulaire, enfin que tout est rapport entre les choses et onde entre les choses, et pas combattre de toutes les forces, détruire le mot être. Dans un des spectacles que vous avez vu, Nicolas Struve constituait une grande pyramide de boîtes de carton, et il y avait un petit écriteau qui était posé en bas en lettres gothiques, un peu à la Heidegger. C'était le mot être, et tout d'un coup, cette idole était bombardée. J'ai horreur de l'idole de l'être. C'est pour ça que l'exposition de peinture qui a lieu en ce moment à la chapelle des Visitations à Thonon, s'appelle Chaque chose devenue autre. C'est-à-dire, c'est le processus de la mutation, la transformation, la variation de l'autrement des choses qui me fascinent, et aussi le mot variation, qui est d'ailleurs beaucoup plus beau en allemand qu'en français, parce qu'en allemand, c'est Veränderung. Ça apparaît autre. Que toute chose, tout le temps, nous apparaît autre que ce qu'on pensait d'elle. À ce propos, vous avez écrit une phrase qui m'avait troublé en tant que physicien, avant que j'en comprenne le véritable sens. Vous disiez: je respecte beaucoup le réel, mais je n'y ai jamais cru. Voilà, c'est un des personnages qui dit ça à un moment. Comment dire ? Ben oui, il y a des phrases. D'ailleurs, il y a des phrases où j'aimerais entendre des protestations. Par exemple, un des livres se termine par: la philologie ouvre ses portes sur la nature. Je pensais recevoir des lettres de protestation. Non, c'est pas vrai, etc. Ben non, les gens n'ont pas réagi. Mais l'idée que donc qu'étant au travail aveuglément dans le langage, comme le boulanger peut devenir aveugle par la farine, eh bien, j'ai l'impression d'être avec les choses mêmes, avec quelque chose de très physique, la matière, la matière du temps, que l'espace-temps, tout ce que vous voulez, etc. Et c'est vrai que ce que vous avez dit tout à l'heure, que je connais très peu la physique actuelle, ou grâce à une petite conversation avec vous, mais que par rapport aux leçons de choses qu'on nous imposait quand on était petit, où tout d'un coup ou leçons de dessin où il fallait dessiner un quart ou un bro, et il y avait un quart et un bro réellement face de nous, où il y avait les choses, que maintenant c'est jeu entre les choses, enfin je sais pas comment dire. Les interactions. Il y a une phrase de Marx que j'aime beaucoup. Il dit, la société n'est pas faite d'individus, mais de rapports. Donc le réel n'est pas fait de choses, mais de rébus, peut-être. J'ai deux questions à vous poser qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est: est-ce que vous seriez d'accord pour vous définir comme un anarchiste du langage? Et la seconde, c'est: comment êtes-vous venu à la maison de radio? Est-ce que vous êtes venu à vélo? Anarchiste du langage, ça me déplaît pas. Disons aussi, conscience de la possibilité destructrice du langage et de la force du langage. Parfois, au moment d'écrire, j'ai l'impression de, en exagérant un peu, manier un peu de la dynamite. On peut, sur une scène, mettre les gens à poil, enfin faire tout ce que vous voulez, il n'y aura aucune protestation jamais, mais par le langage, vous pouvez avoir des réactions très très violentes. Dominique Pinon, dans L'Acte Inconnu, je crois, ou L'Origine Rouge, avait comme réplique un énoncé algébrique d'une page. Qui était réel, que mon fils, qui était en hippotaupe ou en taupe, m'avait... Donc, et c'était un moment, c'était très beau, parce que c'était vers la fin de la pièce, tous les mots qui avaient été prononcés se résumaient tout d'un coup dans des chiffres, et Dominique Pinon a une idée d'acteur incroyable, génial, tout d'un coup, il avait un bâton à la main, à la fin de sa liste, il a laissé tomber le bâton, et tout se résumait, se densifiait, se précipitait, toute la pièce se précipitait dans ce choc du bâton. Dans le no, dans l'art japonais du no, il y a souvent des choses comme ça. C'était la chute du spectacle. Oui, un coup de pied dans le sol, comme ça, résume tout. C'est-à-dire que le réel se dilate, quelque chose se dilate, se concentre, va en un point, inonde l'univers, etc. Enfin, voilà. Et la deuxième question, est-ce que vous êtes venu à vélo? Je suis venu à pied, en 35 minutes. Moi, je vous pose la question parce que, bon, vous êtes d'accord pour vous définir comme anarchiste du langage. Et l'anagramme, enfin une anagramme de Valère Novarina, c'est vrai anard en vélo. Ah, pas mal, ouais, oui, ben je vais reprendre la bicyclette. Tout bon intérêt. Oui, oui. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. La marche en montagne, vous la pratiquez aussi. Oui, oui. Vous en parlez d'ailleurs joliment dans ce livre « L'homme hors de lui ». Vous la pratiquez comment? Qu'est-ce qu'elle produit comme effet en vous? Est-ce que ça, c'est des occasions d'écrire? C'est des occasions de, en montagne, de voir tout différemment à chaque pas. Parce que ce qui caractérise la marche en montagne et pas en plaine, c'est que le paysage se renouvelle totalement tous les 2 mètres. Une montagne apparaît, une autre disparaît. Et surtout ce point de renversement lorsque vous atteignez à pied un col. Tout d'un coup, c'est donc c'est des renversements de l'espace, voilà. Donc c'est l'idée de renversement, de niement, c'est autour de cette obsession, rythmique que tout tourne. Vous écrivez la marche fait dans un premier temps perdre les mots. L'on n'entend ni lettres ni phonèmes, mais seulement le vieux battement des chiffres, le comptage, la comptation, le chapelet des pas, l'énumération d'avant le langage. Oui. L'énumération d'avant le langage, c'est ça. Il me semble que il me semble qu'on a dû commencer par battre 2 morceaux de bois. Valère Novarina, les initiales c'est VN, et votre précédent livre s'appelle Voix négative. Oui. C'est voulu? Oui, oui, c'est voulu, bien sûr. Parce que lorsque j'avais 14, 15 ans, 16 ans, je sais pas, j'étais fasciné par Mallarmé. J'apprenais du Mallarmé par cœur, etc. Et Mallarmé dit, la destruction fut ma béatrice. Au sens de la béatrice de Dante, etc. Et moi, j'ai pensé, la négation est ma béatrice. Donc, cette marque dans mes initiales m'a un peu guidé, dans le fond. Et ou aidé à creuser de plus en plus le même périmètre limité qui m'a été donné. Et quand vous étiez enfant ou adolescent, quelles étaient les langues que vous parliez, Valère Novarina? Parce que j'ai lu quelque part que vous avez dit que du hongrois, qu'il était votre langue maternelle incompréhensible. Oui, alors en 2 mots, lorsque mon père était absent, ma mère nous entraînait à la cave près du piano de Tante Mathilde, et nous jouait des chansons de Botrel, etc. Et tout d'un coup, il y avait un moment où c'était la chanson hongroise qui se faisait entendre, et c'était une chanson qu'avait composée pour elle un jeune amoureux hongrois qu'elle avait perdu de vue par la suite et qui était mort en Auschwitz. Donc le hongrois chanté par ma mère, en droit à la dérive, en droit liquidifié, fluvial, torrentiel, enfin, etc. C'était quelque chose de très très fort, et si vous me proposez demain d'aller à Budapest, je pars tout de suite pour simplement pour entendre cette langue que je ne comprends pas, mais que vous pourriez comprendre un jour. Non, pas forcément, mais il faut dire que c'est une langue dans le fond très proche du français, je trouve, parce que c'est une langue très, les phrases sont très longues et c'est les voyelles sont très étendues. Je compare souvent la Loire, le français de la Loire et le français du Danube. C'est une langue dont la portée va loin. Mais quelles étaient les autres langues que vous parliez vraiment, alors, pour le coup? Des dialectes, du patois? Ben, un petit peu, quand j'ai fréquenté un petit peu je montais dans la montagne et entendre le franco-provençal, qui était extraordinaire parce qu'il était en pleine variation, Veränderung perpétuelle, à savoir que le patois changeait tous les 2,5 km, si c'est pas toutes les maisons. Donc c'était et c'est le patois pas du tout comme on croit du français estropié, mais comme une autre façon de descendre du latin. Vous écrivez « Tout vrai langage est un corps en volume, avec son ombre et sa face cachée ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de langage sans corps, il faut que la chair parle. Le langage ne flotte pas dans... Ben oui, s'il faut retrouver, peut-être qu'il faut retrouver la chair, l'incarnation, enfin, qu'on n'est jamais assez concret, jamais assez matérialiste, dans le fond. Je me souviens de Christine Fersen, qui en répétition à la Comédie Française, m'avait dit un jour, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis que le prophète marche sur un lac gelé. Bon, tu me dis, il insulte Dieu, comme dans les femmes, en Pologne, dans les synagogues, les femmes allaient insulter. Écoute, dis-moi, où je pose mon regard, où je mets mes pieds? Le théâtre, c'est concret. Ça m'est resté. Je croyais être concret, je l'étais. On ne l'est jamais assez. On n'est jamais assez près de de la chair des choses. Alors, qu'est-ce que c'est que la matière pour vous ? Je sais qu'il y a quelques années, vous avez visité le CERN, un grand laboratoire à Genève, où on fait de la physique des particules, et un peu après votre visite, on a découvert le boson de Higgs. Ça vous a parlé ? Ben oui, bien sûr. Et puis, si vous voulez, j'ai un rapport à la science qui est plutôt celui de Roussel à Flammarion. Enfin voilà, Roussel rendait visite à Flammarion, qui lui donnait un biscuit en forme d'étoile. Roussel le mettait dans un tableau. C'est un rapport très très. Mais c'est vrai que je suis dans le fond assez facile. J'ai l'impression que j'ai affaire à une sorte de science aussi, quoi. C'est-à-dire avec aussi l'expérimentation, des règles à établir pour le travail, etc. Voilà. Et les toutes premières choses écrites, j'avais 8-9 ans, je crois, j'étais en pension à Morzine, j'écrivais des choses qui étaient un peu avec des symboles mathématiques et géométriques, et des phrases aussi, et j'allais les cacher sous les pierres, ce qu'il y avait sous les greniers à l'époque. Donc il y a un rapport à la rêverie scientifique, disons. Vous êtes écrivain, vous êtes peintre, on l'a dit. Quel est votre rapport à la musique ? Je reste muet parce qu'il est très fort. J'ai peut-être passé plus de temps à écouter de la musique qu'à lire. C'est vrai, écouter aussi toujours la même chose. J'ai écouté l'art de la fugue 15 ans de suite, et encore maintenant, c'est à différentes interprétations. Donc aussi la musique comme quelque chose qui arrive à l'espace. Quelque chose qui se joue dans l'espace, et aussi la musique. Plus qu'autant. La musique est souvent plutôt définie. Oui, moi maintenant je vois tout du côté de l'espace. Je vois la musique du côté. Le langage comme un jeu de figures dans l'espace. Enfin, et l'espace voulant dire le temps, bien entendu, parce que la notion d'espace-temps qui travaille, qui peint, vous voit que c'est pareil. Aussi et le sentiment qu'on ne possède jamais rien par les yeux, que dans le fond tout nous échappe. Devant une toile, qu'est-ce que fait votre regard ? Il cherche. Il chasse, il va trouver des symétries, des figures, etc. Mais il n'y a pas de possession paisible des choses. Il y a inquiétude rythmique tout le temps, partout. Voilà, c'est peut-être l'inquiétude rythmique, la non-stabilité dans la musique et aussi dans... Et la scène de théâtre, c'est le lieu de cette inquiétude. Ben, c'est le lieu où reprendre conscience que le langage est un fluide dans l'espace, qui va vous frapper, vous, après avoir frappé votre voisine qui n'a pas reçu la même chose que vous, etc. Que chacun a sa perception propre. Alors là, il y a une petite chose dont on parlait tout à l'heure, je vais peut-être vous raconter. Dans l'acte inconnu, à un certain moment, là, vers la fin, la scène se vidait, et Dominique Pinon restait tout seul face à Mirto Procopiou, un silence, et il disait « Si tu veux bien, dans notre langue, comme les latins, ne plus distinguer le U du V », il y a une anagramme du mot Dieu, c'est le mot vide. La salle rit, en partie, etc. Le père Chave, qui est mort il y a 15 jours, qui était le père très important à Avignon, du temps de Villars et jusqu'à peu de temps. Le père Chave, j'ai entendu, m'a dit, quand j'ai entendu l'anagramme entre Dieu et vide, je suis entré en contemplation. Alors ça, c'est la force extraordinaire du théâtre, que l'un rit, l'autre entre en contemplation, mais chaque, il y a une perception, ce sont des perceptions singulières, et le public pas traité comme un troupeau à amener du point A au point B, etc. Et ça, vous le sentez que le public est hétérogène dans ses réactions? Ben c'est, alors quand ça se passe, je pense à de vieux disques que j'ai je voulais presque vous proposer ça. Vieux disques que j'ai de enregistré au Caire, au début vers 1920, et les musiciens jouent, et il y a quelque chose qui se passe, qui est le tarab, je crois, d'où viendrait peut-être le mot troubadour, le charme, etc. Et les spectateurs poussent des petits cris, des petits gloussements pour l'encourager, mais singuliers. C'est pas une ovation générale, comme dans les matchs de foot, c'est des petites virgules respiratoires qui sortent du public. Ça arrive quelquefois au théâtre, et c'est tout à fait miraculeux, montrant la pluralité aussi, la joie du pluriel, la délivrance par le pluriel. Alors, je vous parlais de musique, vous avez choisi un morceau. Quel est-il ? Oui. On va l'écouter. Eh bien, c'est un gamelan de Java. enregistré en 1971, parce que tout ce qui est postérieur à 75 ne vaut rien, m'a-t-on dit à Java, parce que maintenant c'est devenu trop... Donc c'est Jacques Brunet qui avait enregistré ça, et le gamelan s'appelle, un très beau titre, il s'appelle, l'instrument s'appelle « Le Vénérable Torrent de Miel ». Écoutons-le. Valère Novarena, elle vous met dans quel état, cette musique? Vous avez l'air songeur. Elle me met en suspens. C'est une musique extraordinaire aussi, parce qu'elle je sais pas, on sent le mouvement des astres et aussi les grenouilles dans la forêt, parce que je crois que la percussion du gamelan, ça vient beaucoup des bruits de la jungle. Donc c'est tout à fait magnifique. Dans vos pièces de théâtre, il y a souvent des très longs soliloques avec des mots étranges. Par exemple, dès les premières pages de L'homme hors de lui, ce livre que vous venez de publier, je lis quelques lignes. Prière pour tous les hommes ayant existé et prière pour tous les hommes ayant oublié d'exister. Le lanceur catapulte, le bonhomme centuple, le motard sordelle, l'enfant poumoniaque, l'utérurien, l'enfant sapulique, l'homme omniaque, le rongeur par l'acier, Jean Tripon, l'enfant mordant la Seine contre lui, le professeur moins cube, l'enfant chronophobe, Dédé Scapule, l'enfant grammatical, les manœuvriers immobiles, l'enfant ni sans bouche ni sans scène, le soliloquier, l'enfant de Pourim, le laboureur, l'enfant huis clos, etc. Quand est-ce que ça s'arrête? Je crois que j'en ai 6000 actuellement. Parce qu'ils, et comment ça vient? Comment ça coule? Ça coule de source. C'est-à-dire mais la source, c'est vous. Oui, non, mais à un certain moment, c'était un drame de la vie. C'est vrai que j'étais devenu une source de noms. Les noms pouvaient sortir comme ça pendant 48 heures, et ils sont sans retouche, de sorte que j'ai dû m'interdire par la suite de multiplier les noms, d'écrire que pour un seul personnage, celui qui parle dans le discours aux animaux. Alors j'ai mal lu. Mais les noms, non, très bien. Mais les noms, comme s'ils se reproduisaient tout seuls dans un vivier de noms, ont continué à s'assembler malgré moi. Là, il y en a à peu près 6000. Je veux en faire quelque chose, je ne sais pas très bien quoi. C'est le côté physique des fluides. Oui, quand on ouvre le robinet. Et puis, oui, je ne sais pas. Et puis, la singularité de chacun et aussi la sensation de Alors, je persiste à penser que j'ai cortège, mal lu. Du coup, on va écouter comment l'un de vos acteurs lit ce genre de litanie. Le théâtre est vide. Entre Adam. D'où vient qu'on parle, que la viande s'exprime? La feuille de vigne vous va bien? C'est une feuille d'érable, je suis un Adam du Québec. Il sort. Entre l'anthropophore, le zoographe, l'acteur de toute viande, la femme du plurimoperplexe, l'enfant de Matagas, l'enfant sextuple, l'enfant gymnophysicien, l'enfant de Parlamus, la valeur jamais plus, valvulcine, Jean négatif, l'homme gymnospirale, le pourfendrier logique, l'ambulancier glodon, le balustrier bleu. Ils embrassent le trou de science et sortent. Entre un chien. L'homme n'est pas né. Human being is not born. Il sort. Et comment est-ce que vous travaillez avec les acteurs, Valère Neuwerner? Parce que l'exercice de mémoire qu'ils doivent accomplir, de mémorisation, est tout à fait exceptionnel. Ah oui, oui, oui, ce sont vraiment des... Il faut des athlètes de la mémoire. Hein, c'est vraiment... Mais le... Je travaille avec eux en essayant d'y toucher le moins possible. Il y a une jolie phrase relevée par Jean-François Billetter, qui est un penseur, un écrivain, un philosophe que j'aime énormément. Il parle d'une histoire de quelque chose qui est de Chuang Tzu. La question, c'est comment diriger un grand empire, un immense empire, comme on fait cuire un tout petit poisson. Et les acteurs, moins on y touche, plus tout vient d'eux. Il faut agir très délicatement avec eux. Je suis de plus en plus attentif et non actif avec eux. J'ai horreur du mot de direction d'acteur. C'est eux qui ont le travail d'incarnation à faire. Et chacun, Et pourtant, il me semble que vous êtes très présent. Oui, oui, très présent. J'assiste quasiment à toutes les représentations, voilà, pour voir ce qui se passe. Sans les diriger. Parfois, je les remets un petit peu où il faut. Oui, je sais pas. Mais avec des principes tout simples de médecine simple, à savoir avec Dominique Pinon, on s'est entendu sur une chose, c'est que je lui disais une seule chose par soir, comme un acupuncteur qui n'aurait qu'une seule aiguille et qui réfléchirait bien avant de la planter. Est-ce qu'il y a un côté militant dans votre travail, c'est-à-dire le fait de faire vivre le langage autrement que la façon qu'il a de vivre dans la communication? Sûrement, parce que oui, autour de nous, il se passe quelque chose de tout à fait effrayant. Enfin, aussi le dépérissement, le flétrissement, la disparition des lettres une à une. Les A sont extraordinairement malades, etc. A sont malades? Il y a une sorte de A passe-partout, si vous écoutez surtout les publicités. Il y a une sorte de qui est le A ouvert a presque disparu, le son 1 n'existe plus. Enfin, il y a un appauvrissement phonique de la langue française qui va très vite maintenant, qui est extraordinaire. Alors, il faut retrouver aussi Vitesse disait qu'on allait au théâtre pour entendre sa langue. C'est vrai aussi, c'était beau de dire ça, qu'on va entendre à nouveau des sons qu'on avait un peu oubliés et que les grands acteurs ont du coffre de la voix et font entendre la voix, la langue dans sa plénitude, et que la plénitude sonore et rythmique du langage compte dans la pensée. C'est pas un enjolivement. La chair du langage n'est pas un style, quelque chose pour enjoliver quelque chose. Non, c'est l'émotion de la chair même du langage. Alors, quelque part, vous dites quelque chose qui n'est pas très gentil sur la langue française de la radio. Vous dites « petite langue française de la radio qui est comme une petite bourgeoise qui s'étrique, un pauvre petit idiome laïque, un espéranto de plus en plus étroit, une langue qui perd au moins un son par jour, une langue de dictée, une langue pour les sourds, une langue de sondée. » Oui, ça s'est écrit il y a peut-être 25 ans, mais c'est toujours, pour moi, c'est toujours là. Bon, je dis la radio, c'est pas France Culture. Si, ça peut être aussi France Culture, mais c'est surtout les publicités, etc. Disons, la perte de l'émotion érotique du langage. Le langage comme zone érogène. Qu'on a bien en Italie. Qui a donc à voir avec la chair. Oui, oui, oui. Dans la voix négative, vous dites ceci: partout s'observe aujourd'hui le remplacement de la langue, notre chair, par des signaux binaires ne sachant canonner oui ou non. De tous côtés, aujourd'hui, les langages se mécanicisent, se nettoient, se simplifient, se soumettent, vont se ranger un par un dans le grand ordre de la communication. On recense les éléments de langage, on trie les affirmations tête de gondole et on les range du côté des concepts porteurs à forte valeur ajoutée. Une très étroite petite grammaire stéréotypée vient prendre la place du grand drame vivant, de l'animal parlant qui respire, un animal semi-sauvage, irrigué d'air, inventif, gorgé de sons, sanglant de couleurs, de rythmes et fondamentalement danseur au profond de sa chair. Je ne peux qu'approuver. C'est vous. Oui. Vous êtes d'accord avec vous-même? Oui, totalement. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Et est-ce qu'il y a des écrivains dont vous vous sentez proche? Moi, je pense à Artaud, par exemple, ou peut-être Beckett, bien qu'il soit plus silencieux. Oui, oui, Beckett à l'envers. Beckett de l'excès. Un anti-Beckett. Et puis, oui, Jarry, par exemple. C'est vrai que j'ai très peu lu Jarry parce que j'ai l'impression que je l'ai écrit. Voilà. C'est un plagiat par anticipation. Alors, mais j'aime les écrivains que j'aime, c'est aussi Bossuet, c'est tout à fait extraordinaire parce qu'il y a aussi un déséquilibre. J'aime pas l'écriture trop équilibrée, trop. Il faut que la pensée trébuche aussi, que l'écriture, la pensée et la musique doivent aussi trébucher, sinon on a de la musique binaire pour remplir les ascenseurs, les cages d'escalier, etc. Donc l'idée de torrent, de source rythmique, d'agitation animale. Voilà, que le point de conscience que parler est aussi. Céline. On est des animaux parlants, mais il y a animaux dans animaux parlants. Céline, c'est un écrivain que vous avez Céline, lu. Oui. Rabelais. Rabelais, Céline, etc. Tous les, Claudel. Enfin, il n'y a pas que la littérature française centrale, policée, etc. Il y a tout un courant très très sauvage, très très très très anarchiste. Hein. Est-ce que vous Claudel est un grand anarchiste. Comment ça? Ben, je sais pas, par la vigueur, la chair des phrases et aussi la violence de la pensée, parce que le christianisme est aussi anarchiste. C'est, puisqu'il renverse vos certitudes, dans l'incertitude de la mort, il vient renverser pas mal de choses. À la différence de l'un de vos personnages, lui respectait le réel. Il a dit, les choses qui existent sont importantes. Ah oui, ah ben non, mais moi, pour moi, le réel est un rébus. J'aime beaucoup le mot rébus, fait avec des choses, du langage fait avec des choses, et l'idée de tout ce que vous aimez, les anagrammes, les jeux de langage, ça va très profond, ça rejoint le... Ça rejoint la cabale, ça rejoint toute une pensée de l'envers des mots, du renversé mots, du mystère des lettres, les lettres comme des choses bondissantes voulant sortir de la page. Novarina, ça fait au Nirvana. Ça a changé votre vie de le savoir? Nirvana, je sais pas trop. Enfin, pour moi en tout cas. Est-ce que vos textes doivent être lus forcément à haute voix? Est-ce qu'on peut les lire Vous pouvez lire sans la chair. Sans faire de bruit, mais les lire dans votre tête à haute voix. Ben, il me semble si on... Oui, il me semble qu'on lit forcément à haute voix, même si la voix n'est pas dans l'espace. On entend muettement. Est-ce que vous diriez que la langue... Vous faites la distinction entre la langue et le langage? Non. Alors, c'est vrai que malheureusement, alors c'est un endroit où je ne suis pas du tout clair. C'est vrai que j'ai parfois langue ou langage, et c'est un peu au pif comme ça que l'un sort plutôt que l'autre, et je fais pas trop... c'est un des endroits, une des endroits tendons d'Achille de ma théorie, disons. Parce que j'aime beaucoup le mot théorie, il suffit de penser qu'au Moyen-Âge, c'était le même, ça voulait dire contemplation pour les moines. La théorie, c'est la contemplation. Et théorie, théâtre, il y a quand même le verbe voir, le verbe grec voir, qui je ne sais plus exactement comment il est, qui est dans le TH. Donc au théâtre, on voit, et dans la théorie, on voit. Et aussi le cortège théorique, le cortège de la théorie. Mais Valère Novarina, en fait, je suis embarrassé par ce que vous dites, parce que ce que j'ai dit dans l'introduction de l'émission, c'était, est-ce qu'on peut trouver un langage adéquat qui permettrait de dire avec des mots ce que nous savons du monde? Par exemple, concernant la matière. Ben c'est important de dire qu'on le rate aussi. C'est important de pas penser posséder, ni par le regard, ni par les mots, quoi que ce soit. C'est important de sentir que quelque chose échappe. Et de remettre. Ça veut dire que le langage n'a pas vocation à être une représentation du monde. Il est plutôt un souffle. Oui, voilà. La sensation que le langage est une dépense physique et dans le fond peut-être une offrande. Voilà. Que l'acteur vient offrir le langage, se dépenser dans son souffle et dans le langage, que nous offrons quelque chose. Voilà. Mais vous dites que on rate toujours le réel. Il y a des échecs. Mais il y a aussi des moments. Il y a un échec, mais on n'en fait pas un drame. Enfin, je sais pas, rebondit. Non, mais la parole rebondit, là, qu'aussi, l'idée que l'idée toute simple que le Messie, c'est la parole. Que quelque chose ça c'est des mots, mais le mot parole est très beau en français parce que je trouve qu'il y a quelque chose de fluvial et il y a un mouvement qu'il n'y a pas dans le mot Wort en allemand qui est beaucoup plus dur, ouais. Etc. C'est comme le mot est mort, mais la parole, il y a l'idée d'un écoulement, d'un processus de retour à la vie. Voilà. Wort, c'est plus factuel. Oui. Mais il y a quand même, il me semble, des occasions où on rencontre le réel, par exemple. Vous avez entendu parler de la détection des ondes gravitationnelles. Mm. Là, il y a un signal qui a été enregistré, qui correspond à ce qui avait été calculé. Et on a l'impression que là, il y a eu rencontre entre ce qu'on pense du réel et quelque chose qui a à voir avec le réel. Enfin, sinon, on ne comprendrait pas la coïncidence. Mm. Est-ce que ça compte ou est-ce que c'est quelque chose qui relève ratage? Non, mais l'ignorance n'est pas le ratage. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. L'autre jour, j'étais avec Dominique Pinon et je lui dis que j'avais trouvé une phrase extraordinaire de Saint François de Sales qui dit « J'enseigne en chair des mystères que j'ignore complètement. » Et Dominique Pinon m'a dit « C'est ce que je fais. » C'est-à-dire, il comprend et il comprend pas ce qu'il dit. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de... Il y a un cœur mystérieux et un cœur muet qui travaille tout ça, qui le renverse, je sais pas comment dire. Et votre travail de peintre, puisqu'il y a en ce moment une exposition à Thonon-les-Bains de vos tableaux, oui. En quoi c'est connecté à votre travail d'écrivain, écrivain de mots, si j'ose dire? Mais c'est vrai que par la pratique du dessin, de la peinture, j'ai trouvé quelque chose comme un système de littérature pariétale. C'est-à-dire, à un certain moment, mes textes sont imprimés, qu'une machine se taille en tout petit, je les affiche au mur et ils sont dans l'espace et il y a une sorte d'ambulation dans les textes et puis l'importance du matériel, le crayon, le papier, la gomme, l'ordinateur, l'encre, etc. Et aussi repartir du raté. Un raté dans l'écriture, un gribouillis redevient, on lit une figure. Parce que dans le fond, quand je dessine, je renverse de l'encre et je vois surgir des figures et je poursuis jusqu'à ce que ces figures apparaissent. Il y a une sorte d'exercice, une grande leçon de matérialité. Les séances de peinture m'aident beaucoup à reprendre ensuite l'écriture. Enfin, je sais pas. Une grande leçon de concret, une grande leçon charnelle. Est-ce que vos pièces sont traduites? Est-ce qu'elles sont traduisibles? Oui. Alors curieusement, pour un auteur incompréhensible, il y a beaucoup de choses traduites parce que les traducteurs sont frappés par stimulés par le défi. C'est a priori intraduisible. Par exemple, il y a une phrase « La lumière nuit ». C'est intraduisible en allemand dans toutes les langues. La lumière nuit. Si jamais vous retrouverez ça, mais ça j'attache beaucoup d'importance. Chaque fois qu'il est question d'une traduction, je m'y intéresse. Je rencontre le traducteur, même si je connais pas la langue. Mais comment traduisent-ils les mots que vous inventez? Alors Natalia Mavlevitch, qui me traduisait en russe, avait trouvé quelque chose de très joli. C'est de déplacer les choses et de garder le coefficient d'inventivité, mais parfois déplacé. La lumière nuit, c'est intraduisible en russe. Donc c'est un travail de création, presque. Oui, de création à côté, mais dans la même proportion, à peu près aux mêmes endroits. Donc, où Léopold dit, j'ai créé un auteur qui s'appelle Novarina et qui écrit en allemand. Donc, c'est de la traduction très, très infidèle ou fidèle à côté. C'est marché à côté, mais la question de la traduction qui est extraordinaire parce qu'elle fait apparaître le vide profond ou le creux profond qu'il y a entre toutes les langues. Que vous avez essayé, par exemple, de rentrer certaines de vos phrases dans un logiciel de traduction automatique pour voir ce que ça donne? Non. Ça doit être horrible. Je vais le faire. Essayez, ça doit être intéressant sur justement les limites de ces logiciels quand il s'agit de proposer une traduction un peu créatrice. Donc il s'agit, si vous voulez, l'impression, c'est que toute représentation plate du langage, par exemple sur une feuille de papier, est fausse, que le langage agit dans en volume. Il agit dans tous les sens, plutôt comme du sang dans une éponge ou dans quelque chose dans le cerveau, je sais pas quoi, qu'il y a pas des, il se diffuse de partout et que retrouver le volume, c'est très beau quand en français on dit pour un livre un volume, retrouver le volume du livre, la chair des mots sur la page et le déploiement des mots dans l'espace. Voilà et l'idée aussi que le temps va dans les deux sens. Il n'y a pas qu'en allemand que le verbe est à la fin et irrigue ou revivifie le début, que la langue agit dans tous les sens. Enfin, c'est un temps. Elle rétroagit sur elle-même, une phrase. Oui, c'est pas un temps schématique avec une seule flèche. Enfin, ça agit comme un corps, il y a une sorte d'ardeur du langage sur la page. Est-ce que vous accordez à la langue française une spécificité? C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez des auteurs qui, dans d'autres langues, feraient des œuvres à peu près équivalentes avec la même idée derrière la tête? Alors, j'avais écrit une fois que la langue française était la plus belle du monde. Et j'ai reçu une lettre de protestation de Bernard Comment. Je crois que, mais comment est-ce que vous pouvez dire des choses aussi, vous êtes un chauvin, vous êtes un, je sais pas quoi. Je veux dire, si je vous dis que ma femme est la plus belle femme du monde, ça veut dire que je l'aime, c'est tout, quoi, voilà. Donc c'est vrai que là, le français, dans d'autres langues, vous dites? Oui, l'anglais, l'allemand, l'italien. Ben, je sais pas. C'est vrai que je lis surtout de la littérature française et plutôt ancienne, mais j'ai été très marqué profondément par Dante et par Joyce. Hein. J'ai lu Dante de très très près pendant 2 ans, etc. Et Ulysse aussi. Voilà, il y a des livres aussi. Mais si je vous pose la question, c'est à cause de vous. C'est-à-dire que dans Observer les logarithmes, je crois, vous faites parler cette machine à espérer la même chose, qui dit ceci. La France est-elle une république langagière? La question est posée ce matin en couverture du magazine Blabla. Oui. Ben, c'est quand même, c'est une république langagière, comme il y a évidemment une république bananière. Oui. Mais quand même, la France est moi, je trouve, un peu une république langagière. Enfin, on parle plus qu'ailleurs. Mais il y a des combats de mots. Enfin, voilà, les gens aussi, on manque un peu peut-être de sens du concret, de l'avancée qu'on doit faire ensemble. On a l'impression justement que vos textes parfois tournent autour de la politique, en tout cas de la communication politique. Oui, oui, oui. Pour la ridiculiser. Oui, la communication politique. Oui, certainement. J'ai contrefait des slogans, des discours électoraux, etc. Et parfois, j'ai simplement récolté des professions de foi des candidats dans tous les départements pour les mettre sur la scène du théâtre et faire une chose tout à fait comique. Le terrible diagnostic vient de tomber. L'imitateur Roger Bulot souffre d'un complexe de type carabiné. Voilà. Et là, de qui vous moquez? De tout le monde, de la psychanalyse. Alors, des psychanalysés. On m'a entendu lire quelques extraits, on a entendu l'un de vos acteurs en lire également, en déclamer également. Oui. Est-ce que vous voulez lire vous-même quelque chose que vous avez écrit? Alors, c'est un passage qui est dans L'homme hors de lui. L'homme hors de lui entre pour la 8e fois. L'homme hors de lui. Il faut que j'aille dans l'antimonde et que je discute avec des antipersonnes et que de l'anti-lumière se répande sur les anti-objets. Il faut que j'entre dans un anti-homme. Voilà la seule contrefaçon probante de me sortir d'ici, dorénavant, nonobstant, désormais. Toute personne, tout animal, tout être, toute notion et chaque mot que je pense, je les serre de toute force contre moi et je les aime comme des blocs de vide. Vanité des vanités, ossature de tous les os, pensabiliarbilité du cerveau, lettrage de la grammaire, alphabet partout, néant partout. L'ouvrier du drame. Antipersonne, qu'as-tu dans tes mains? L'homme hors de lui, un contre-objet. L'ouvrier du drame. Antipersonne, dis pour de bon, qu'as-tu fait de tes mains? L'homme hors de lui. J'ai contrefait un anti-objet Je l'ai jeté de toutes mes forces sur le non-plancher de la contre-scène. Aucun triangle n'a trois côtés. L'ouvrier du drame. Dieu ! Si tu es Dieu, te montre pas ! Enlève tout ! Merci Valère Novarina. J'ai pas tout compris, mais ça fait réfléchir. En fait, c'est exactement le contraire. Les spectateurs disent souvent ça. C'est... Mais... Non, mais c'est ça. Oui, c'est le contraire de la novella. J'ai rien compris, mais c'est très clair. Comment est-ce que George Orwell définit à la fin de 1984 ce qu'il appelle la novlangue, en disant que c'est une langue dont le but est de rendre impossible tout autre mode de pensée. Et vous, c'est en fait l'inverse, c'est d'utiliser le langage pour nous sortir de ce à quoi le langage nous mène. Qu'il y ait du jeu dans le langage, mais pas au sens de jeu, de mots, au sens de l'air, du vide. Vous moquez aussi des informations financières. Ah ben oui. Rien de bien nouveau pour les actionnaires des canalisations Duchesne-Pitriot. Le Gamelu gagne 76% à l'ouverture, tandis que l'indice de Richter passe les 3,40 sur l'échelle de Bouclier Gandulf. Baisse partout ailleurs, y compris sur les Abalousia Duchesne Pitriot qui perd 8,4 g. C'est n'importe quoi. Non, je vais vous engager, vous êtes très bien. Et sur quoi travaillez-vous là en ce moment? Vos pièces se jouent à plusieurs endroits. En ce moment, sur quelque chose qui devrait apparaître au Théâtre de la Colline dans une année. Et qui s'appelle L'animal parlant. Comme par hasard. Tout simplement. Valère Novarina, on sent avec tous ces soliloques que déclament les acteurs dans vos pièces, on sent chez eux quand même une sorte de solitude individuelle. Je veux dire par là qu'ils parlent, mais ils ne s'écoutent guère. Est-ce que le langage isole ou est-ce qu'il est... Quand il n'est plus de la simple communication, est-ce qu'il isole? Est-ce que la voix intérieure de chacun est différente de celle des autres? Oui, j'ai écrit un petit texte qui parle du patois, qui s'appelle « La langue à un ». Tout au bout, il y a la langue à un. C'était très beau chez les paysans qui parlaient patois. Chacun avait vraiment son style, comme un écrivain, son juron favori qui revenait tout le temps. Je me souviens de quelqu'un qui répétait tout le temps que son juron, c'était « fléau ». Ah, fléau, fléau. Pour un autre, c'est ceci, cela. Chacun avait sa respiration, sa marque, sa dépense, enfin son offrande, l'offrande de son corps par le langage. Oui, le langage aussi. Oui, il faut aussi les spectateurs sont ensemble et ils sont aussi isolés. Il faut aussi se souvenir du mot île qu'il y a dans l'île humaine. Voilà, l'île d'Adam. Adam est tout seul. Il y a une des plus belles scènes de la Bible. C'est Adam avant Ève, tout seul. Et tout d'un coup, Dieu fait défiler les animaux devant lui et les nomme en un. L'escargot, la libellule, le bélier, le loup. C'est une scène extraordinaire. C'est Adam le nommeur, non seulement le glébeux, le terreux, le terrien, mais le nommeur. Merci Valère Novarina d'être venu nous expliquer que tout vrai langage est un corps en volume avec son ombre et sa face cachée. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Philippe Thibault et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'était dans quelques instants, en fait tout à fait immédiatement, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.